La matinale de 18h, l'émission décalée des Fadjet. Bonjour matinalien, matinalienne de la matinale de 18h. J'espère que vous allez bien dans ce plateau. Oh, tout d'un coup, je suis dans les feux de téléphone. Les feux de l'amour. Les feux de l'amour de Jocelyn, puisque tu es en train de faire un gif, c'est ouais, ça? Ouais, j'ai fait une gif. Quand on est jeune, on sait ce que ça veut dire, gif. Ben, ça a été arrêté depuis un moment, le mot gif. C'est vrai. Mais on dit quoi maintenant? Attends. On dit une vidéo, quoi. On dit un gif, peut-être. Non, ah donc j'ai plus besoin de faire le jeune une vidéo non. Quoi. Le physique suffit. Ouais, ouais, ok. Alors ouais. Oui je t'ai coupé dans ton élan pardon. Tu disais. Comment tu vas mon bon Tristan dans cette matinale de 18h? Ça va bien Jocelyn et toi? Ça va super. C'est quoi le cocktail du jour de la semaine? Le cocktail du jour de la semaine c'est le Negroni. Puisqu'en fait toute cette semaine on fait du Negroni. C'est un appel. Il y a beaucoup de créations autour de ça, tu vas adorer. Cette semaine c'est vrai? C'est que cette semaine, c'est la Negroni Week tout simplement. Mais non. Mais je te jure c'est vrai. Mais pourquoi tu me dis ça? Mais parce que je sais que t'as soif. Oui, mais et que t'es fatigué et que t'as besoin aussi de réconfort du cristal. C'est mon apéro préféré, on peut le dire, voilà. Et du coup, je vais pas être là ce soir. J'en ai fait des très coquins, j'en ai fait un petit peu salé, à la fraise. Bah, alors tu seras obligé de me le refaire la semaine prochaine, rien que pour moi quand j'en viendrai. Et ben on se bip. Voilà, on se bip. Ça, c'est vieux ça. Oui, mais j'essaie de m'adapter aussi. Hein. Ouais, je comprends. Ouais. Merci pour la démarche. James, ça va, James? Ouais, salut à tous, ça va. Et je profite du fait que Jocelyn était très bavard dans cette introduction, dans cette incipit, pour rappeler à nos auditeurs de ne pas hésiter à soutenir la démarche de Jocelyn, animateur de la matinale, parce que ça, c'est n'hésitez vraiment... Pas. Alors, on n'a pas encore créé la pétition, ça c'est sûr. C'est dans les commentaires Spotify. Mais voilà, les commentaires Spotify, c'est vraiment l'endroit où vous pouvez interagir avec nous, puisque on ne lit plus la page Facebook, hein, on va être honnête, deux minutes. On est honnête. Deux minutes, si après on peut redevenir malhonnête, bien sûr. Merci. Mais voilà, mettez des commentaires sur Spotify. Non, mettez-les aussi sur Facebook, on regarde quand même. Les notifs. Voilà, si vous êtes du fan club de Jocelyn, et Dieu sait qu'il y en a un peu partout, je sais que j'étais à Aix-les-Bains la semaine dernière, il y avait un fan club de Jocelyn. Mais voilà. Non. Ah oui, c'est vrai que t'avais un tournoi de poker. Ouais. Et alors j'ai des super copains à Aix-les-Bains, mais rien à voir. C'est vrai? Moi, j'en connais quelques-uns. Mais non, mais ne détournons pas la question. Figurez-vous que j'ai été éliminé par le chanteur de Sinsemelia. Mais je ne sais pas qui Mike est Sinsemelia. Je ne sais pas non plus. Je crois que c'est un groupe de musique, tu vois. Mais j'imagine, oui. Quand même. Ouais, mais je ne sais pas trop ce qu'ils font, quoi. Je connais deux noms et je crois qu'ils ont fait une musique un peu reggaeton, un peu coolos, quoi. Peut-être pas reggaeton, plus un peu reggae. Moi aussi, ça me fait penser un peu à un truc reggae. Mais alors, on est dégoûté quand on se fait éliminer par le chanteur de Sinsemelia? Bon, pas plus que quand on se fait éliminer par un quidam. Un quignaman plutôt. Quand tu te fais éliminer par quignaman, t'as plus la haine. Bah oui. Je comprends. Effectivement. Ouais, effectivement. Ouais. Mais éliminé au premier tour, enfin, dernière table ou... Non, éliminé très tôt. Très très tôt. D'accord, donc t'en as profité pour visiter Aix-les-Bains. Moi, je connaissais déjà, hein, moi, j'en ai pas vraiment profité. J'en ai profité pour faire d'autres tournois où je me suis aussi fait éliminer. Oui, passer un bon moment. Par quel chanteur? Là, c'était, c'était la thématique. Et faites-vous éliminer par un chanteur. T'es pas chanteur? Ok, tu ne m'élimineras pas. Je gagnerai. Très bien. Merci pour vos retours de votre actualité de la semaine. Tout de suite, sans plus tarder, on va passer à l'éphéméride parce qu'il y a... Attends, juste Tristan, excuse-moi. Je voulais qu'on parle quand même de ce film dans lequel tu es à la bande-annonce. Je trouve ça incroyable et je pense que les auditeurs ont besoin de le savoir. Et s'ils ne le savent pas déjà, qu'ils ont tous halluciné. Est-ce qu'il est au ciné? Il est sorti ce film? Alors merci de parler de ça, de la petite note que je t'avais laissée pour surtout que tu parles avec de mon apparition dans ce film de manière totalement inopinée et que ça arrive comme ça. Quoi, alors tu vois. Pour le coup, on reste un peu. On est encore dans les deux minutes d'honnêteté. Ouais, je l'ai fait. Je l'ai fait de mon propre cœur, d'un élan de mon cœur. Ça y est. Ok. J'ai une scène dans le film qui va sortir, qui s'appelle T'as pas changé, de Jérôme Commandeur, avec un très beau casting, puisqu'il y a Vanessa Paradis, Olivia Cotte, il y a François Laurent Damiens. Lafitte, François Damiens, et Jérôme Commandeur, bien évidemment, et puis d'autres personnes. Enfin voilà, un très Tristan beau casting. Aussi, je crois. Et voilà, donc j'avais une belle scène. Si on parle deux secondes, on est encore dans les deux minutes d'honnêteté ou je dis n'importe quoi? Non. Non, ouais, j'ai eu une journée. Ça date d'il y a presque un an, hein, déjà, hein, le fait que j'ai tourné cette scène. Mais t'en avais parlé à novembre. La radio. Ouais, j'en avais parlé avec cette histoire de cercueil. Et donc, comme je suis la page de Jérôme Commandeur, eh bien, j'ai pu voir que la bande-annonce était sortie de ce film qui sort le 4 novembre, je crois, enfin début novembre. C'est même plus quand on sort son film. Et je suis dans la bande-annonce. Oui. C'est formidable. Mais quelques secondes en plus. Hein, c'est. Ouais, c'est vraiment, vraiment trop bien. Ce cercueil. Alors, je sais pas combien de temps il a gardé cette scène, mais je pense qu'il a dû garder quand même pas mal parce qu'elle est assez importante. Et du coup, j'ai hâte de me voir. Mais de carrément. Voir cette scène-là. Donc voilà, je suis l'employé du crématorium pour ceux qui vont aller voir ce film ou qui l'ont déjà vu, puisque ce week-end c'était l'avant-première en Lorraine. Jérôme Commandeur était un petit peu partout pour faire l'avant-première de ce film. Mais attends, tu n'y étais pas convié ? Alors, je n'y étais pas convié parce que ça reste un petit rôle que j'avais. Et de deux, je jouais en spectacle à plein fin le soir-là. J'étais un peu dégoûté parce que je serais bien allé voir, rediscuter un petit peu avec Jérôme Commandeur, qui est une crème. Voilà, je tiens à le préciser, c'est vraiment une crème, ce bonhomme. Qui était acteur-réalisateur. Donc, en fait, après chaque prise, il allait voir sur l'écran, savoir si c'était bon ou pas, et après il repartait. Et c'est un boulot de malade. Faut beaucoup marcher. Et en plus, je trouvais qu'il faisait pas beaucoup. Oui, beaucoup marcher, ouais. Et oui, il devait dépasser les 10 000 pas, je pense, sur son application WeWord. Et ouais, et en plus, il déléguait pas trop à sa première assistante réelle. Donc c'est lui qui drivait aussi les. Comment on appelle ça? Les figurants. Enfin, c'était. Ouais, non. J'ai une autre question d'ordre purement mercantile. Mais qui intéressera certains auditeurs, mais est-ce qu'au moins il t'invite, est-ce qu'au moins il te donne une place où tu vas devoir payer ta place pour te voir au cinéma? Ah, je vais payer ma place. Tu vas payer ta place, c'est dingue. Oui. Ah, tu soutiens le projet aussi. Voilà, bah, oui, on en parle à Fadjet. Peut-être que s'il nous entend, voilà, il est le bienvenu, Jérôme Commandeur. Et alors, ce qui est rigolo, c'est qu'on a eu à l'antenne Céline Groussard. Oui, très qui bon joue moment. Dedans. Dans ce film. C'est ça la petite histoire, et c'est là que je savais que je serais pas coupé. C'est qu'une fois, elle m'écrit, elle me dit, je suis dans une. Je suis au montage, et je sais pas pourquoi elle était au montage, et j'ai vu ta scène. Donc là, je me dis, voilà. J'ai une autre copine aussi, Marjolaine, qui joue. Juste dedans. Pour préciser, Céline Groussard, donc, qui est l'actrice de. Un petit truc en plus qu'on avait interviewé ici même. Voilà. Et elle est disponible mois. Sur Spotify, cette émission, si vous voulez la réécouter. Elle est dans la liste des épisodes. Hein, c'est ça. Sur Spotify. Ouais, c'est une Groussard qui faisait, qui était à l'affiche de ce film et qui adorait la chasse dans son personnage. Quoi. Voilà. Merci. Hein, merci toi. Merci. Ce petit aperçu sur le monde du cinéma qui est loin pour nous autres. Même nous qui sommes des stars de la radio. Voilà, moi et Jocelyn, on ne connaît pas ce monde. Hein, on n'apparaît pas à l'écran, on nous écoute uniquement. Voilà, exactement. Nous ne sommes que des voix. Toi, tu étais dans un de mes courts-métrages d'ailleurs, Jocelyn. Oui. Hein. Voilà. Et d'ailleurs, je serai dans aussi dans un autre film qui sort aussi début novembre, le film de Pascal Elbé, où je serai. Alors, vous voyez, mais plus la scène sera moins longue en militaire de la Wehrmacht. Un bon moment. Voilà. J'en doute et pareil, pas. Cette scène-là, je pense pas qu'elle soit coupée parce qu'elle est importante aussi. Voilà. Allez, on a un éphéméride quand même. Ah oui, une éphéméride. Je sais jamais. Les si deux on se dit. Disent. C'est comme oui, après-midi. C'est vrai. La matinale des 18h, l'émission décalée des Fadjets. L'éphéméride de 18h sur Fadjets. Nous sommes un jeudi 25 septembre. Et qu'est-ce qui s'est passé un 25 septembre? Il s'est passé énormément de choses. Plus ou moins importante, c'est vrai, mais c'est aussi ça l'éphéméride, c'est peut-être se rappeler des moments qu'on n'aurait jamais su. Par exemple, en 1066, la bataille de Stamford Bridge, est-ce que vous avez déjà appris qu'est-ce que c'est pas Guillaume... le moment où Guillaume le Conquérant a conquis l'Angleterre? C'est ça. C'est pas mal du tout, mais c'est Harold II qui bat Haraldardrata. Qui donne le glas des fins des grandes invasions vikings en Angleterre. Ah oui, au nord de l'Angleterre. Il n'y a pas Guillaume le Conquérant là-dedans? En 1066. Je crois que c'était avant. Ah d'accord. Je crois que c'était au début des années 1000. D'accord. Il y a Bill of Rights également en 1789. Donc, ce que vous savez, ce que c'est Bill of Rights, le Congrès. Bill, c'est le paiement. C'est le projet de loi. C'est aux États-Unis, ça, non? Ah, exactement. Oui, c'est aux États-Unis. Le Congrès américain transmet aux États 12 amendements. 10 seront ratifiés en 1791. Donc, bon, 3 ans plus tard. Ce qui est dommage. 2 ans plus tard. 89, 90, 91. Ouais, c'est ça. 2 ans plus tard. Est-ce que vous savez, là peut-être vous étiez né, en 1957 Little Rock tu sais, Nine. Tu peux en faire ton Negroni, hein. Ouais. je sais bien. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Genre, et consommer avec modération. Ouais. Little Rock Nine, est-ce que vous savez ce que c'est? Little Rock Nine. Ouais. Est-ce que c'est le nom d'un missile nucléaire? Non, c'est l'entrée des élèves noirs au lycée The Little Rock sous escorte fédérale. Wow. Il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de racisme aux États-Unis et en Italie surtout. Et en Italie. Parce que c'était quel en Italie. Avec l'Italie? Mais en fait, c'était en Italie. Je l'ai pas. Je l'ai pas dit. Parce que attends, tu l'as découvert au moment où tu lisais cette. Non, je le savais déjà avant. Mais d'accord. Passons à la prochaine news. Oh, mais ça, c'est pour toi, Tristan, tu dois savoir, en 2008. J'étais né. Oui, voilà, t'étais né et tu étais conscient. Washington Mutual. Que s'est-il passé le 25 septembre 2008, prénommé Washington Mutual? Oh, bah alors là, on est plein dans les subprimes. Ouais. Donc, j'imagine que c'est la fin de Lehman Brothers. C'est la saisie du plus grand établissement bancaire jamais fermé aux États-Unis, cédé à JP Morgan Chase. JP. JP. Morgan okay. Chase. Voilà. D'accord. Tu le savais, j'imagine? J'étais plus sur Lehman Brothers, dont l'État a laissé la faillite s'installer. Et ce qui a été le début de tous les problèmes, c'est parce qu'à partir de là, on s'est dit, oh là là, si même Lehman Brothers est capable de tomber, alors que c'était une institution, quoi. Hein, je sais pas, c'est l'équivalent en France peut-être de la BNP, quoi, tu vois. Ah oui. C'est que il peut y avoir des cadavres dans toutes les banques, et donc toutes les banques ont arrêté de se prêter entre elles parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et toi, t'étais dans la banque à l'époque, non? J'étais courtier. Ah, d'accord. Touché un peu à tout ça, quoi. Et, oui. Et tu vois, par exemple, je sais plus. Responsable, mais pas coupable, j'ai l'impression. Ah, je n'étais pour rien du tout. Oui, alors là, est-ce qu'il nous reste du temps dans les 2 minutes d'honnêteté? Non. On sait que tu mens. Bon, voilà, ça prend tout. C'est moi. Voilà, ça prend. Ça, voilà. Mais ouais, non, mais par exemple, tu vois, la veille du dépôt de bilan de la liquidation de Lehman Brothers, la Deutsche Bank avait prêté, je sais plus combien, de centaines de millions d'euros à cette banque. Ah cool. Perte sèche. Boom. Bah ouais. Donc c'est pour ça que les banques se sont dit, oh, on arrête de prêter aux uns aux autres parce que qui a un cadavre, on ne sait pas, et si c'est pour ne pas avoir le retour du prêt, donc voilà. Ok, en 2015, le 25 septembre, l'ONU adopte l'agenda 2030. L'agenda, oui, ouais, je viens du Sud, hein, c'est l'agenda ici. Hein. L'agenda. Est-ce que vous savez ce que c'est l'agenda 2030? Non mais attends, t'as dit en quelle année? 2015. Ah, 2015, ok, d'accord, il y a 10 ans quoi. C'est lié à... Jour pour jour. Impressionnant. C'est lié à l'environnement. Ouais, j'allais Et dire. Oui, c'est toutes les résolutions qu'on devra prendre en 2030. Qu'on devra avoir fait en 2030. C'est la pour 2050. Voilà, c'est la résolution. Bon, ça vous dit, dans 15 ans, on leur fait faire des trucs. Ouais, on va faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on va leur faire faire? Oh, j'ai plein d'idées. Alors, j'ai remis ma petite note. Non, qui est né moi. En 1968, c'est toi? Non. Mais non. Il est acteur, producteur américain et il a un fils qui joue des films aussi avec Will Smith. Will Smith, exactement. Oh. Catherine Zeta-Jones est également née. Est-ce que vous savez qui est Catherine Zeta-Jones? C'est une actrice. Une actrice. Mais tu étais trop bon en acteur. Toi. Elle joue dans je sais plus quel film avec Sean Connery. Oui. Film d'espionnage là, je sais plus comment ça s'appelle. James Bond alors? Non. Non. D'accord. C'est un récent. Ah ok. Enfin récent. Alors, genre années 2000 mort, quoi. Quand même, Oui. Ok. Il est mort Sean Connery? Bah oui. Sean. Oui. Sérieusement? Ah, sérieusement. Ah, on est dans les 2 minutes d'honnêteté, là. Ah, purée. On verra ça avec la chronique. Est-ce que vous savez qui est John Bonham? B-O-N-H-A-M. Il est mort, ça, je peux vous l'assurer. Est-ce que c'est un rapport avec le jambon quand tu dis ham? Quand je le dis, oui. Par contre, son nom de famille, okay, pas du tout. En 1980, il est mort. Il est ultra connu. Comment c'est son nom? John ouais. Bonham. Ouais, ah, mais d'accord, c'est Jean le pseudo Bonham, de quelqu'un de méga connu, c'est ça? Enfin, c'est le vrai nom d'un mec qui est connu sous son pseudo. Sous un pseudo. Non. Il est ultra connu et c'est pas son pseudo. Juste, on se dit, ah ben lui, c'est le... D'accord. Okay. Genre, c'est le pape. C'est un groupe de musique. Il est batteur dans un groupe de musique mondialement connu. C'est le batteur des Rolling Stones. Non, mais presque. Des Beatles. Des Pink. Presque. Floyd. Non. The Who. Ok, plus. Bah, on est dans l'univers là, c'est vraiment pas mal. C'est plus une sorte de CDC. Non, c'est pas CDC. Supertramp. Scorpion. Pas encore. Bon, il est mondialement connu. Il est hyper connu parce que le chanteur a une voix un peu aiguë où il y a beaucoup. Ah oui, Queen. Steve Collins. Non, c'est pas Queen. Non plus. Phil Collins. C'est Led Zeppelin. Non, bah non, je suis con, moi. Phil Collins. Led Zeppelin. Il s'appelle Led Phil Collins. Oui. C'est Led Zeppelin. Donc, le batteur de Led Zeppelin est décédé en 1980, le 25 septembre. 1980. Mais oui. Ah la vache. Il est mort très très. Oui, il est mort en une belle année 1980. Il s'est passé tellement de choses. Oh là là. Les années 80, par exemple, ont commencé en 1980. Non, c'est faux. Oui, on n'est pas là pour vérifier tout ce que je dis non plus. Hein. Le pape Clément VII est décédé également. En 1534. Vive Clément VIII. Gloire à Clément VIII. Ça sera tout parce que les autres je les connais pas alors que okay. Je les connaissais tous avant. J'ai une petite anecdote du jour, le 25 septembre, que s'est-il passé? C'est la date de naissance de Shostakovich et souvent donnée. La date de naissance de Shostakovich est souvent donnée au 12 septembre 1906, le calendrier julien, je vous parle, soit le 25 septembre 1906, calendrier grégorien, nouveau style, on connaît, d'où les deux dates qui coexistent dans les sources. Voilà, ça c'est une petite anecdote. James, tu peux me traduire ce qu'il vient de dire, parce que je n'ai rien compris. Il parle de Julien, de Grégoire, de... Je vais réexpliquer plus simple pour vous. Ouais, merci. Au début, on pensait que Shostakovich, le gars ultra connu, qui... Personne ne connaît Qui serait né un 12 septembre. Sauf qu'en fait, c'était un 25 septembre. Oui, mais non, parce que c'était en fait un calendrier julien. Sauf que nous, on est dans le calendrier grégorien. J'ai envie de balancer la musique pendant qu'il parle, tu sais. Bon, et aujourd'hui, c'est la Saint-Firmin. Et que... qu'est-ce qui se passe à la Saint-Firmin? La Saint-Firmin, l'hiver est en chemin. C'est pour ça qu'il pleut. Tu te rends compte qu'on avait des auditeurs, là. Oui. Et là, on les a perdus. Et ben, ils sont sur Radio Jéricho, là, maintenant. Ils viennent de zapper, là. On pense à vous, les auditeurs, parce qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale des pharmaciens. De l'auditeur. Des pharmaciens. Et on les remercie. Merci encore de m'avoir écouté. C'était l'éphéméride. Merci à tous les pharmaciens qui nous mettent en fond sonore dans leur officine. Et Dieu sait qu'il y en a. Oui, on pense à vous. Et on vous comprend. Parce que c'est très agréable à l'écoute. J'imagine vos patients qui arrivent pour un mal de crâne et qui tombent sur l'explication de Jocelyn. Mais le mieux, c'est les patients qui viennent genre juste pour une brosse à dents, mais qui repartent avec la brosse à dents plus le doliprane. C'est ça qui est intéressant. Et on essaye de faire fructifier aussi les pharmacies. Voilà. On pense à vous. La matinale de 18h, l'émission qui est bien. L'invité show business de 18h. Si vous êtes encore avec nous, parce que c'est pas facile. Mais ça va, oui. C'est du taf éphéméride, les gars. Une chronique préparée, soignée aux petits oignons, rissolée, qui est calée, la chronique de James, sur les anniversaires, c'est ça? On peut c'est dire ça. Comme ça. Alors c'est un petit peu, c'est pas vraiment un éphéméride, puisque on va parler de éphéméride de statistiques. Hein. J'ai deux sources pour tout ce que je vais vous dire. La Meurthe et la Moselle. Une photo. J'ai contracté les biens. Allez, on arrive. J'ai une photo douteuse que j'ai tirée de Facebook. C'est et bien pour la radio. Des statistiques sérieuses de l'INSEE. Donc voilà, des fois quand c'est des statistiques très sérieuses et que c'est l'INSEE, je vous le dirai. Le reste du temps, restez un peu sur vos gardes quand même. Mais ça parle de jours de naissance et de jours de décès, qui sont, on peut le dire, les deux jours les plus importants de notre vie, hein, en général. Oui, c'est vrai que c'est des jours importants. Voilà, c'est des jours très importants. Savez-vous, messieurs, le jour de l'année où il y a le plus de naissances? Ouais, c'est début d'année, il me semble. Le jour alors, en fait, c'est, si on fait par déduction, c'est déjà les moments où on fait plus des enfants. Des enfants, ouais. Ouais. Et je pensais que c'était l'été, mais je crois que c'est plutôt vers Noël qu'on fait plus. Donc, ça serait pas au mois d'août. Moi, je dirais septembre. Qu'il y a des naissances. Alors, du coup, moi, dans les données que j'ai. Donc, tu es déjà pas sûr de tes données quand j'ai dit ça. C'est-à-dire que c'est pas ça, je vais vous préciser, c'est parce que l'INSEE, l'article que j'ai vu sur l'INSEE disait que c'était le 20 juillet, mais dans les données que j'ai là, face à moi, on est sur une date un peu plus tardive et qui est passée depuis pas très longtemps. C'est en septembre, le 6 septembre. C'est bah, plus tardive que novembre. C'est... Ah, que juillet. Oui. Que juillet. Ok, oui, bah, c'est mois d'août alors. Non, non, c'est mois septembre, effectivement. Ah, septembre, ok. Et... Le 14. C'était il y a une semaine quasiment, ouais, il y a 8 jours, c'est le 17 septembre, le jour où on est le plus. Ok, donc beaucoup de vierges, de signes de la vierge. Oui, et dans le top 5 hein, des jours, il y a aussi le 23 et le 24, donc hier et avant-hier. Hein, ouais. Ok, si vous êtes né, dites-le dans Spotify. Voilà, et il y a aussi deux autres dates, la deuxième c'est un peu bizarre, c'est en avril, et c'est le 8 avril. Ah oui, ok, ouais. Pas du 8 avril, toi, Tristan ? Non. Non. Non, moi, je suis du 8 mars. Ah oui, du mai, oui, voilà. Et puis, pour compléter, le top 5, c'est le 1er octobre. Donc, les jours où on est le plus, le 17 septembre, le 8 avril, le 23 septembre, le 24 septembre et le 1er octobre. Et ça me fait rebondir sur... Vous savez, où est-ce que vous avez été conçu, personnellement, vous ? Vos parents, vraiment vous en ont parlé ? Jamais osé demander. D'accord, mais moi j'ai pas demandé. Pas pensé l'idée. Mais mon père me l'a dit. Mais il l'a répété plusieurs fois parce que je le sais aussi, ça. C'est vrai, tu le sais. Mais il me semble, non, c'est pas dans une tente. Oui, tout à fait. Ok, ouais, puis ouais. Là maintenant tout le monde le sait en plus, voilà. Ouais, c'était mes parents venaient d'acheter une maison dans les Vosges qui retapait, mais qui était vraiment dans un état de délabrement, donc pas possible de dormir dedans. Donc ils ont dormi dehors et c'est le voisin le lendemain qui leur a dit cette nuit. On vous avait fait Tristan. On vous a entendu, hein. Voilà. Tristan est. Je te redonne la main. Très bien. Suite à ça. L'anecdote. Savez-vous quelles sont les marques de tentes dans lesquelles il y a plus de bébés qui s'en alors, en termes de mois, est-ce que vous savez justement les mois où il y a le moins de naissances? Bah, du coup, moi, je t'aurais dit août, parce qu'il fait trop chaud. Ah non, il y en a plein des lions et des lionnes, je trouve. Des lions et des lionnes. Qu'est-ce qu'on voit moins comme comment ça s'appelle? Après, comme c'est le monde signe, ou c'est quoi, la France? Tu vois non, c'est la France. Je crois que c'est la France, les stats. Okay. Je suis pas... Ouais. Justement, pour l'INSEE, c'est la France sûre, mais par contre, pour celle de cette photo douteuse que j'ai lue, pas sûr. Moi, je pense qu'on doit moins procréer en novembre, parce que c'est un peu le mois triste, et en janvier. Donc, justement, si c'est le mois triste, t'as plus envie d'être dans un lit. Alors, et... je vais résoudre vos petits conflits. Ah, merci. Alors, au niveau des mois, les mois où il y a le moins de naissances, c'est décembre. Alors, rapporté évidemment au nombre de jours, parce qu'effectivement, c'est probablement février. Oui, du coup. Bah oui. Mais donc, les mois où il y en a moins, c'est le décembre, novembre et janvier. Donc, ce sont deux mois sur trois. Ces mois-là. Et alors, savez-vous, le jour où il y a le moins de naissances? Jour de l'année. Le premier. Donc dans les mois que t'as dit alors. Janvier. Non, justement. Alors celui-là n'est pas dans les mois que j'ai dit, mais pour une raison évidente. Tenez-vous en prêt. Vas-y, je l'ai pas moi. Attendez, vous trouvez pas un jour dans l'année? Le 29 février. Et voilà, exactement. C'est le 29 février. Ah oui, d'accord. Ça, c'est de loin à le moins de naissance. Voilà. Suivent le top 5 avec le 25 décembre. Le 26 décembre. Ouais, on serre les fesses le 25 décembre pour pour faire naître avant ou après, quoi, c'est ça ? Bah non, parce qu'il y a aussi le 26 décembre. Il y a aussi le 26 décembre. Ah ouais, d'accord. Donc visiblement, les gens attendent vraiment longtemps, quoi. Ok. Il y a aussi le 1er janvier et il y a le 26 janvier. On ne sait pas pourquoi, mais il est là. Maintenant, passons au décès. Hein, qui est aussi un jour très important dessert. De notre vie. Savez-vous le jour où on meurt le plus cette fois-ci? Ça, c'est sûr, c'est l'INSEE. C'est Noël. C'est, ah ouais, j'avoue, il voilà, y a rien. Ça, c'est du sérieux, c'est du, de l'étude statistique et tout. Le 28 décembre. Non, c'est un jour du début d'année. Et c'est le 3 janvier. Le 3 janvier, c'est le jour le plus dangereux. D'accord. Voilà, c'est le jour où on meurt le plus. Et alors, paradoxalement, le jour où on meurt le moins... C'est aujourd'hui. Non. Et c'est le 25 septembre, messieurs dames. Oui. C'est le 15 août. Voilà. Oh, oui, c'est le feu d'artifice. Plein milieu du mois d'août. Bah, on meurt pas beaucoup, quoi. C'est la Sainte Marie, en plus. C'est... Oui, c'est un jour férié. Alors, ce qui est intéressant, c'est que d'après l'INSEE, il y a moins de morts les jours fériés. Donc, c'est probablement dû au fait que les services hospitaliers sont moins. Fonctionnent moins. On meurt moins en été et on meurt plus en début d'année. Voilà. Et au niveau des jours de la semaine, c'est à peu près pareil pour les naissances et les morts. Savez-vous quels les jours de la semaine où on meurt et naît le plus ? Le lundi. Au soleil. Alors non, c'est mardi, puis vendredi, lundi, jeudi et après mercredi, samedi, dimanche qui sont moins pourvus. Et dernière petite information que non, il y en a deux dernières. Petite info super étrange que j'ai vue. Savez-vous le jour de votre vie où vous avez le plus de chances de mourir? À la naissance. Disons le jour de l'année où vous avez le plus de chances de mourir, vous, en tant que personne, voilà. Non, alors pas du tout. Voilà. C'est pas le même jour que t'as dit tout à l'heure, non? Alors, le 3 janvier, si, ça va être un jour où vous avez le plus de chances de mourir, parce que statistiquement, les gens meurent le plus. Ouais. Mais à l'échelle de ta vie à toi, de ton année à toi, d'accord. Il y a un jour particulier dans ton année. Ok. Qu'il faut que j'évite. Ouais. Il faut que je me tienne à carreau, quoi. C'est ça. C'est quel jour, dis-moi? C'est le jour de ton anniversaire, en fait. Ah, ok. Le jour de l'anniversaire, c'est le jour où votre risque de mourir est le plus élevé, okay. Avec une moyenne de décès supérieure de 6% à la moyenne. Et pourquoi, alors? Eh bien, en fait, alors déjà, je précise, c'est plus élevé encore pour les hommes que pour les femmes. C'est encore plus élevé pour les jeunes. C'est-à-dire qu'entre 18 et 29 et 30 à 39... on est à plus 24% de décès le jour de son anniversaire. C'est le jour où on fait les cons. Voilà, c'est le jour où il y a probablement un peu trop de... D'accord. Alors, il y a ça, mais il y a aussi la dimension psychologique qui pourrait avoir un effet négatif, comme au Japon, par exemple, le risque de suicide augmente le jour de son anniversaire. Ah là là. Ça peut être lié à des remises en question globales et à des décisions tragiques. C'est pour ça que j'aime pas les anniversaires. Moi. Ce jour-là, voilà. Pas envie de mourir, quoi. Puis, donc, faites attention, voilà, si vous voulez vraiment éviter tous les risques, vous ne sortez pas le 3 janvier et vous ne faites rien le jour de votre anniversaire. T'imagines que si t'es né un 3 janvier? Ah bah tu c'est bien, parce que du coup, tu sors pas du lit le 3 janvier et c'est nickel. Ah oui, tu te fais coup double. Ouais. En plus, 3 janvier, souvent, t'as pas envie de sortir du lit. En plus. Ouais. Donc, c'est buenos. Donc, dernière petite info comme ça que je vous la livre pêle-mêle. Allez. De 1975 à 2010, les vagues de chaleur ont généralement été suivies d'un déficit marqué de naissance 9 mois plus tard, donc en avril ou en mai. C'est-à-dire que, contrairement à ce que vous pensiez tout à l'heure, on procrée moins lorsqu'il fait trop chaud, effectivement. C'est normal. Et donc, on a toujours vu des trous dans les décès 9 mois après une canicule. Dans les naissances, tu veux dire? Dans les naissances, effectivement. C'est n'importe quoi ce que je viens de dire. Dans les naissances, exactement. N'écoutez pas ce que c'était, c'est. C'était mes petites infos sur les naissances, les décès. Merci à l'INSEE, que je salue énormément pour leur travail. Merci beaucoup pour ces explications sur les dates. Maintenant, on va parler de la langue française et je vais vous questionner sur la langue française. C'est une nouvelle chronique. Rubrique. Ouais. Ah, en plus, j'adore la langue française. La matinale des 18h, l'émission décalée des Fadjets. Oh, le budget. Je me suis dit rien que Carmina Burana pour lancer des questions sur la langue française. L'agenda, tu te moques, mais Carmina Burana, on a le droit de se moquer ou pas? Oui, on a le droit. Burana. Je me suis dit, tiens, c'est pour relancer cette nouvelle saison, quoi de mieux qu'une nouvelle chronique et voir vos compétences, alors moi personnellement j'en ai aucune, sur la langue française. Et je suis allé chercher des mots de la langue française pour lesquels je n'y connais strictement rien. Et je vais vous demander de deviner qu'est-ce qui se... Peut-être que vous connaissez même ce mot. Hein. Bah moi, c'était un passe-temps, fut un temps. De chercher des mots que je ne connaissais pas pour enrichir le vocabulaire et tout. Ouais, j'aimais bien. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que... Alors, je ne sais même pas si c'est un ou une, d'ailleurs. Un pétrichor. P-E-T-R-I-C-O-R. C'est l'odeur de la pluie sur le béton humide. Mais non, comment tu sais ça, toi? Mais c'est ça? Oui, c'est ça, c'est l'odeur de la pluie. C'est l'odeur de la terre... Après, l'odeur de la terre après la pluie. J'étais persuadé que c'était une vanne quand tu l'as dit, c'est un truc de fou. Après, moi je dis pétrichor, mais chacun dit comme il veut. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, c'est super louche la façon dont tu réponds. Comment tu t'as su ça là? Mais alors, parce que c'est hyper connu, déjà. Et non, en vrai, c'est vraiment un mot connu. Mais je connaissais même un. Mais tu l'utilises toi au quotidien? Ouais. Pétrichor. Et puis ces temps-ci, on en a un. Hein, on en a pétrichor, pas mal. Hein, pétrichor. Tu connaissais un mec qui faisait du vin, qui avait appelé sa cuvée pétrichor et qui m'a dit, tu sais ce que c'est pétrichor? Et là, je l'ai calmé tout de suite. Je lui ai dit, mais attends, mais tu me prends pour qui? Pourquoi tu me prends? Non, je savais parce que l'odeur est assez cool et c'est une question qui revient souvent dans les quiz. Mais là, il pleut tellement qu'on sent même plus. Faut attendre la fin de la pluie. On dit pétrichor. Pétrichor. En fait, au contact de la pluie, la terre libère des molécules. molécules, et c'est ça qui donne cette... on a tous, hein, notamment... Mais... Bon, alors, c'est vrai qu'en ville, on a cette odeur de mais béton. Mais du coup, on dit ça sent le pétrichor? Je sais pas comment on l'utilise dans la fond. Bah, tiens, on a un expert en pétrichor. Moi, je dirais ça sent le pétrichor, ou alors sens-tu l'odeur du pétrichor? T'as déjà fait des cocktails au pétrichor ou pas? Et bah, tu sais que je m'étais renseigné et j'avais essayé de faire infuser de la mousse et du. Mais c'était assez compliqué. Ça, c'est du béton. mousse, lichen, etc. C'est un peu compliqué. Bon, alors j'en essaye un deuxième. Hein, bah oui, tu là, peux. Bon, écoute, si tu me donnes des mots faciles. Qu'est-ce que le psyturisme? Ah, ça, je sais pas. Psyturisme. Ouais, le psyturisme. P-S-Y. Non, P-S-I-T-H-U-R-I-S-M-E. Alors, R-I-S-M-E. S-M-E. Voilà, donc je. Voilà, voilà. P-S-I. Alors, moi, personnellement, j'aime beaucoup ça. Je ne savais pas que ça portait un nom. Mais j'aime beaucoup ça. Ah là là, j'ai pas assez de. C'est alors c'est surtout du latin. Pour... Ouais, mais alors. Mais c'est pas psy comme ça. Je vais vous donner des conseils parce que là, je vois que vous êtes complètement séché. C'est plutôt en milieu rural que. Enfin, c'est même. Ouais, on peut Est-ce dire. Que c'est aussi une odeur? Non, c'est pas une odeur, c'est auditif. Ah, c'est d'accord. C'est le bruit des cigales. C'est un bruit. C'est un bruit, mais ah bah quel voilà, bruit. C'est le bruit des cigales. Non, c'est pas le bruit des cigales, non, parce qu'on en trouve ici tout aussi. Au long de l'année, n'importe où, à le... partir ah, du moment... C'est les arbres qui grincent. C'est les arbres, mais c'est pas les arbres qui grincent, c'est mais... C'est le vent dans les arbres. Ouais, je te l'accorde, c'est ça, yes. Effectivement, c'est le bruit du vent dans les feuilles. D'accord. C'est vrai que c'est joli. C'est le psyturisme. Et donc, ça veut dire qu'on peut à la fois entendre le psyturisme... Ironique. Sentir le père chicor, le père pétrichor. Tricor. Le père chicor, mets-moi un petit tourisme. Une double ration, s'il te plaît. Oui, c'est ça. Mais on peut même allier les deux. Hein. Les le deux vent de la bien, pluie hein. Qui amène le pétrichor ouais. Pendant que tu écoutes, tu profites du psyturisme. Bah oui. Allez, je continue parce que là, alors là, oula. Plus arrêter, et en plus, j'ai pas pris mes lunettes, mais bon. Ultra crépuscule. Crépidarianisme. Oh là. Ouais, c'est une sensibilité. Alors, je vais essayer de. Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de la table qui est atteint de ultra crépidarianisme? Crépi. C'est le fait d'impatience. C'est le fait de. Voilà, c'est. C'est le fait de détester quand. Alors, bah, allez-y, donnez-vous deux versions. D'accord. Et je vais vous dire laquelle se rapproche le plus. Redis de le mot, l'ultra... s'il te plaît. Ouais, bien sûr. Ultra crépidarianisme. Pour moi, en fait, c'est quand on déteste, quand on ne peut pas supporter, quand il y a un bruit de grincement, comme la craie sur le tableau, ou comme la chaise qui grince. Ou la fourchette. Ou comme la fourchette sur l'assiette. Ou comme le son de ma voix. C'est bon. Ok, merci. Très bien. Voilà. Moi, je pense que c'est quand on ne supporte pas suivre un chemin écrit, tu vois, genre comme un GPS. D'être une sorte de mouton, quoi. Voilà c'est ça. Ok. Alors, on en est loin. Parce que fil d'Ariane, tu vois, je m'étais dit. C'est pas le fait... C'est pas le fait de ne pas supporter, d'ailleurs. C'est le fait de donner son avis sur un sujet qu'on ne connaît pas. Ah oui, bah ça, je l'ai, ça, moi. Tu ça, l'as, sûr, toi hein. Moi, je suis même ultra, ultra crépidarianiste. Hein. Ah tu là. Me dis bien. Et, Et il est bon. Et le premier et mot tu sais qu'on pourquoi a dit, parce que je connais très bien ce mot. C'est vrai que t'avais fait une séance où tu es l'expert. Oui, c'est vrai. Je suis un expert des experts, ouais. C'est vrai. Allez, un petit dernier. J'imagine que c'est là. La pendiculation. Et je pense qu'on est atteints tous les trois de pendiculation. Je vois pas comment quelqu'un ne peut pas être atteint. Ah si, oui, si, alors si, je comprends. Pourquoi on serait pas atteint de pendiculation. Mais pour moi, tout le monde peut avoir... Son pendicule, quoi. Est-ce que c'est le fait de... C'est le fait de, ça commence comme ça, oui. Est-ce que, ah bah voilà, tu vois. Voilà. Mais parce que je le connais aussi très bien, ce pendiculation. Mot. En fait, on exprime une pendiculation lorsqu'on a des... petits onomatopées pour comme je viens d'avoir là les les hop on a vous voyez quand on a un discours qui met du temps à sortir alors c'est pas ça mais en tout cas c'est un truc que je pense qu'on le contrôle pas trop on contrôle pas en fait c'est quelque chose qu'on contrôle pas. C'est quoi c'est quoi ta version le fait de du coup c'est dans la diction je pense pendiculation c'est quand tu as absorbe souvent ta salive ou quand tu... Ouais. Ouais, non, mais il y a la bouche hein, dedans. Il y a la bouche. La mastication, peut-être, je sais pas. La bouche intervient, mais pas que la bouche. Ah, d'accord. Est-ce que c'est la bouche plus. La bouche fait quelque chose, mais plus un autre truc. Ouais, vas-y. Plus qu'un autre truc. Attends, répète. Plus un autre les truc. Les yeux, ça doit être les yeux, je pense. Il se passe quelque chose avec la bouche. Ah, c'est de sourire ? Non, non, non, non, non. C'est quelque chose qu'on fait avec la bouche et il n'y a aucun son qui sort. Et il n'y a aucune émotion particulière qui sort, mais on fait un truc avec la bouche. Je sais, moi, c'est facile, j'ai la réponse. C'est complètement difficile ce que je viens de vous dire. J'assume totalement. Voilà. Est-ce que c'est en rapport avec la... En fait, de parfois, on respire avec la bouche ? Non, mais, on se rapproche. C'est, et en fait, il y a de l'expiration dans le moment-là. Avec la bouche. C'est soupirer ? Non, pas soupirer. C'est bâiller ? Oui, bâiller. Et on ferme les yeux ? Non. Alors, le fait de la pendiculation, c'est le fait de... Tadam, en bâillant. Qu'est-ce qu'on fait en bâillant ? Péter. Et là, on est atteints tous les trois de pendiculation. C'est pour ça que tu commences à dire, non, les gars, arrêtez d'avoir les yeux qui pleurent. Qu'est-ce qui peut nous arriver de faire ? On se réveille, seul matin, on baille. Qu'est-ce qu'on fait en même temps ? Oui ! On s'étire. Ah oui, en fait, c'est... Bah là, je viens de bailler parce qu'on a parlé de bâillement. Ouais, ouais, ouais. Et je me suis pas étiré. Non, mais c'est pas automatique. Mais ça nous arrive quand même de... du coup, il baille. Ouais. On parle de bâillement et il baille. Mais on peut dire qu'on pendicule tous les trois. On peut le dire. Est-ce que bien sûr, oui, oui. Oui, oui, ouais, nous pendiculons. Oui. Des fois, je m'étire sans bailler. Oh. Et je baille sans m'étirer. Ça m'arrive. Voilà, alors, arrive au meilleur. Là, mais tu me demande pas pourquoi je suis parti. D'ultra crédarianisme, là. Ouais, ouais. Voilà, tu sais même plus ce que c'est. Si, c'est quand je ramène ma science sur un domaine que tu ne maîtrises pas. Exactement. Ma mère était très forte pour ça. Ah oui. Ah, c'était infernal. Juste un exemple. Elle avait vu une émission de culinaire au Québec à la télé. Et donc, pour elle, les Québécois ont des très mauvais goûts en termes de tapisserie. Au mur. Parce que dans cette émission, acté, la tapisserie était à chier. Et donc, ah oui, les Québécois, ils n'ont aucun goût. Voilà. Juste parce qu'elle avait vu une émission. Voilà. Et alors, les Allemands, ils bouffent que des saucisses. Parce que, il y a 40 ans, elle avait été en Allemagne. Après, dans la c'est famille. Vrai, les Allemands, de... bon. Non. Ah, il y a Currywurst à tous les coins de rue. Ça. Mais bon. Il n'y a pas que ça, monsieur. Bref, c'est un autre débat. On va passer tout de suite au quiz actu, bien évidemment. Non, ça c'est l'éphéméride, c'est pas grave, on prend. L'éphéméride de 18h voilà. Sur Fadjet. Je recommence ? Alors ! Je prends l'éphéméride, si c'est pas ça. J'adore ce jingle. Et c'est encore plus, je pense que pendant la chronique, je remettrai le jingle parce qu'il y a des moments qui sont vraiment très croustillants au niveau du refrain. Peut-être que c'est déjà là. Ah, on l'a. Hein. Bien sûr. C'est bon. Hein. C'est mon jingle préféré. Ouais, ouais. Du David Guetta, moi, je dis. Hein, là-dedans, c'est un mélange de David Guetta et de DJ Mehdi. Michel Polnareff. Je le mettais pas assez, moi, celui-là, hein, quand j'étais aux manettes de l'émission. Ouais. C'est une des choses qu'on pourrait te reprocher. Ah, un petit quiz actu avec du... Je suis en train de me préparer en même temps parce que je fais tout en même temps. Un spécial Donald Trump. Enfin, il y a du Donald Trump, mais il n'y a pas que du Donald Trump. Vous savez que Donald Trump était à l'ONU ces derniers jours et il était chafouin par rapport à deux choses. Un escalator et un téléprompteur. Ok. Alors, ah ensuite... Ah ouais, t'as déjà... Ah merde, mais il est expert Donald aussi. Tu peux développer... Ah, parce qu'il est arrivé là-bas et il y a un escalator en bas, c'est facile en fait, vous rentrez. En fait, c'est facile. L'accueil le mec de l'ONU. Qui connaît l'ONU. À droite, il y a Michel. Bon. Je rappelle que je suis ultra précaritaire. Précaire. Prédisposé. Donc, il arrive devant l'escalator et bam, ça marche pas. Et paf. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il attend, c'est ça qui me fait marrer, c'est qu'il a attendu. Ah, j'ai pas vu la vidéo. En fait, moi. Il a attendu quelques secondes et c'est marrant parce que, genre, moi, s'il y a un escalator qui marche pas, bah, je le prends, quoi. Enfin, je monte, ça reste des escaliers, quoi. Un peu haut, ouais, mais ouais, ça se monte. Bah ça se monte, enfin carrément, juste les marches sont un peu hautes, mais t'attends pas genre même 30 secondes en pas, genre vous le faites au marché ou quoi, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Oh. Lui ça l'a rendu chafouin. Oui. Et après effectivement le téléprompteur lors de son discours ne marchait pas et donc il a fait un petit solo. Un petit impro, 5-4-2-1 impro pour Donald. Ouais, ouais, ouais. Et alors, ce qui est marrant, c'est que derrière, merci hein, pour ces explications, c'est que derrière, il a demandé à ce que l'ONU fasse une enquête et qu'on licencie, là où les personnes à l'origine de ça, parce que c'était fait sciemment pour l'embêter. Le fait est que par rapport à la vidéo, on voit que par rapport à l'escalator, en fait, c'est son photographe officiel qui, en reculant pour faire une photo, a appuyé sur l'arrêt d'urgence de l'escalator. Donc, c'est ballot. Ouais. Et pour ce qui est du prompteur qui ne marchait pas, l'ONU s'est fendu d'un petit communiqué en disant que les prompteurs... Chaque pays vient avec son prompteur et son matériel. Donc, c'était un petit peu... Donc, c'était son propre prompteur. Alors, est-ce qu'il va y avoir, du coup, une enquête au sein du Pentagone, de la Maison Blanche, oui, pour quelle trouver... voilà. Mais c'est assez rigolo de voir que tout doit être pointilleux mais chez lui. Et... Moi, cette histoire de prompteur, ça me... Ouais. Je sais pas, j'ai toujours un peu l'impression que c'est un peu de la triche, quand même, non? Après, tu dois pas dire n'importe quoi non plus, donc... C'est-à-dire je sais pas, apprends-le ton discours, peut-être, non? Non, c'est pas comme s'ils passaient un casting une fois par semaine. Non, mais t'as le droit d'être révolté. Déjà, c'est pas eux qui écrivent les textes. Bah oui, mais justement, en fait, enfin, oui, je sais pas. Génération Jean-Pierre Pernaut qui faisait son journal télé sans prompteur. Mais c'est vrai que j'ai payé. C'est vrai, oui, oui, tout à fait. Et puis... Autre, excusez-moi, c'est peut-être un peu complotiste, mais s'ils ont un prompteur, que ce soit les journalistes télé, qu'est-ce qu'ils ont sur leurs fiches qui sont devant leurs yeux, du coup? Puisque tout le texte est sur le prompteur, il y a quoi sur les fiches? Des stats, peut-être. Des stats? Genre celle de l'INSEE, celle que je vous ai dit tout à l'heure. Les gens meurent plus souvent le 3 janvier. Oh bah, dis donc. C'est peut-être ça, hein, effectivement, hein, on ne sait pas. Donc voilà pour la première information. J'arrive pas à faire ce que je veux avec mes doigts, moi. Si, ça y est, j'ai ouvert. Deuxième chose, puisque Donald Trump nous a dit, alors c'était peut-être ce week-end, qu'il nous a dit attention, je vais faire des grandes annonces par rapport à l'autisme, et je vous déclarerai ça lundi. Et donc il a fait une grande annonce sur l'autisme. Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il a fait comme annonce sur l'autisme pour lui, entre autres? Pourquoi certains enfants seraient atteints d'autisme? C'est pas le doliprane ou le paracétamol? Le paracétamol, bien joué. Et il est bon, il est le bon. Le paracétamol, effectivement, c'est un article du Midi Libre là, que je cite. Donald Trump affirme qu'il y a un lien entre l'autisme et le paracétamol. De nombreux scientifiques contestent. Donc, selon lui, il faut ne pas prendre de paracétamol pendant la grossesse de l'enfant, parce que ça pourrait générer... Pendant la grossesse de l'enfant? La grossesse de la madame. Ah oui, d'accord. Ouais. Voilà. Bah, bizarre. Si votre fille est enceinte, après, ne prenez pas de paracétamol. Je ne fais que répéter Donald Trump. Hein. Et oui, il est en train de rendre légale une molécule qui pourrait traiter contre l'autisme et donc guérir les enfants de l'autisme, tout un vaste programme à retrouver. Ça promet. Oui, oui, oui. Bah, écoute, il est là pour pas mal de temps, hein, donc voilà. C'était la page Donald Trump. Oh, pourquoi il n'y a plus de musique là? Ça vous manquait. Hein, bah, moi, je n'osais pas. Parce que le prompteur ne marche plus. Encore voilà. Un complot. Voilà, tout à fait. Ah, voilà cette musique. J'adore. on va passer sur le. Ah, bah tiens. Non, si, oui, encore une ou deux petites annonces du quiz actu que j'avais pas pu faire la dernière fois, donc je me dis, tiens, on va recycler. Hein, bah oui. Voilà. Attends, la planète. Ouais, ouais. C'est sur une croisière, alors, je sais pas si vous avez vu passer cette information-là. C'est sur une croisière, contrôle de douane, et il y a un monsieur qui a sauté du bateau, ouais, pour s'enfuir. Parce qu'il avait quoi? Pourquoi alors? Il avait un petit peu de drogue sur lui? Non, c'était pas de la drogue. Il avait quelque chose d'illégal en tout cas en sa possession. Non, non plus. Même pas. Ah, il était recherché par la police. Il était alors il se pensait enfin en tout cas enfin ouais quelque part ouais il était recherché. Il se pensait coupable mais il ne l'était pas. Si il se mais coupable, du coup mais alors là pour pas. Le coup ils se sont dit ouh celui-là donc ils ont pris un petit Zodiac en deux minutes ils l'ont ramené à bord et puis c'était fait quoi le mec ah oui. Voilà ouais non c'était ouais, alors ouais. Qu'à la base ils étaient pas venus pour lui. C'est ça, tout ah, à d'accord. Fait. D'accord. Ouais, c'est vraiment ballot. Je sais plus, c'était dans les Caraïbes. Il était peut-être illégalement immigré sur un bateau de croisière. Non plus. mais ça doit te parler, toi, par rapport à ton activité professionnelle. Il avait. Ah, c'était un tricheur. Non. Enfin. Il organisait des jeux interdits. Les jeux interdits. Ah, par rapport à ton activité. Il avait une dette de jeu. Et il pensait qu'il était en train de le rechercher pour ça. Et donc, vous devez 6,50 €. Quoi de mieux que en pleine mer, sauter. Et puis, comme ça, ils ne me retrouveront pas. Quoi. Sauf que tout le monde a vu quelqu'un sauter. Bah ouais. Et puis, même, en fait, c'est quoi le meilleur scénario dans cette affaire? Tu nages pendant. Enfin, non, tu meurs, en fait. Ouais, juste la fin, quoi. Ouais, je sais je pas du pas. Tout le truc, l'idée. Enfin, je pense qu'il a dû flipper énormément. Je pense, pour sauter quand même. Ouais. Donc, voilà. Il a été retrouvé. Forcément, d'être de jeu, quoi. Et là, une petite dernière. Astérix Obélix, vous connaissez bien évidemment oui. La série des films Astérix Obélix. Qui va réaliser le prochain Astérix Obélix? Il y en a encore un qui doit arriver pour l'instant. Il est même pas. Va réaliser James Cameron. C'est un Cameron. Article de Écran Large. Je ne connais pas ce site Écran Large, mais je me suis dit que ça doit être sérieux. Et le titre, c'est Astérix Obélix, le prochain film a trouvé son réalisateur. James Cameron. Est-ce que c'est... Et entre parenthèses, et on en attend beaucoup. Alain Chabat? Non, c'est pas Alain Chabat. On peut dire quelque part, peut-être qu'ils se connaissent, ils se connaissent forcément, mais c'est quelqu'un qui a percé dans l'humour, clairement, par rapport à ses émissions, par rapport à c'est ses Laurent films. Ruquier. Non, s'il te plaît. Non, c'est Pascal pas Laurent Pro. Ruquier. Non, c'est pas Laurent Ruquier. Mais vous allez vous dire, ah ouais, ah bah tiens, j'irai peut-être le voir, du coup. Avec cet accent-là. Toi, tu l'aimes beaucoup, Jocelyn. Oh, ouais, parce que t'as vu beaucoup de... série avec lui dedans. Avec lui dedans, ouais. Ferninet. C'est non, mais on se rapproche. Alors il était dans ces séries. Ah, c'est Jonathan Cohen. Oui, tout à fait. Oh, Jonathan Cohen. J'irai peut-être le voir. Franchement, j'y crois pas. Moi, j'aimerais qu'on laisse Astérix tranquille à tout jamais. Enfin. Bah après, alors maintenant que Uderzo est décédé, il ne donne plus son mot à dire, mais il avait son mot à dire. Hein, oui, Uderzo, oui, d'accord, mais en fait. Et mais, pas n'importe quel mot, attention. Pour moi, je sais pas, moi, même depuis Goscinny, en fait, ils auraient dû laisser Astérix tranquille. C'était très bien comme ça, quoi. Alors, je suis complètement d'accord avec toi. La plupart des films, c'est quand même des purges, hein. Enfin, non, mais les Astérix Obélix sans les textes de Goscinny, ça n'a plus rien à voir. Et voilà, mais moi, je suis d'accord de ça. Et tu sais comment il est mort, Goscinny, quand on parlait des morts? Non, oui, c'est un truc. Sais. Ah, vas-y, c'est moi qui ai dû te le raconter, j'imagine. Non, je l'ai lu. Tu me racontes pas tout, hein. Wow, ouais. Non, il a fait un test d'effort chez le médecin, non? Chez des étudiants, il était invité par des étudiants à faire un test d'effort, effectivement. Et il est tombé dans les pommes, il est mort. Ah, et suite à ça, justement, ils ont mis en place des protocoles pour les tests d'effort parce qu'il ne faudrait pas perdre à chaque fois le meilleur scénariste quand même. Goscinny ou Uderzo? Goscinny, René Goscinny. L'effet Goscinny. Je crois que c'est en 77. Pour revenir sur les films Astérix, à part celui de Chabat, qui est quand même une espèce d'ovni à part entière, qui est un peu dans le style des nuls. Ouais. Pour moi, tous les autres, c'est... Ouais. Et je vais me faire des ennemis, je le sais très bien. Non, mais je suis d'accord les avec autres, toi. Les autres, c'est acheté, quoi. Il n'y a rien à garder là-dedans, quoi. Ça a quand même fait des millions de vues à chaque fois, mais c'est vrai que... Ouais, non, mais c'est le même truc que... C'est genre les studios de cinéma qui tordent le torchon jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau dedans, quoi. C'est pas oui, du tout oui, une expression. Oui, c'est ça. Mais l'image est là. Qui boivent la potion magique jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de gouttes. On parlait du droit de veto de Uderzo. Junio devait faire un Astérix Obélix et il a vachement travaillé dessus et jusqu'au moment on lui a dit non, on fera pas. Oui, et c'est ce qui a donné Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques après. Ouais. Parce qu'en fait, c'est je sais plus comment il s'appelle, le fils de Claude Berry qui l'a fait. C'est ça. Et qui a été une catastrophe absolue. En fait, il sortait de Chabat Et donc, du coup, tu tapes Boulevard qui gonfle, là. C'était compliqué à regarder. Non, ouais. Merci pour votre réactivité par rapport à toutes ces questions. Ouais, alors, attends, j'essaie de ne pas remettre l'éphémérie d'un coup, quand même. La matinale de 18h. L'émission en retard sur son temps. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai mis le jeu auditeur, mais je mets le jeu auditeur pour une dernière petite chronique. Vous savez, il y a 15 jours, je vous avais demandé de tirer au sort. Ah oui. Voilà, et puis de lire une phrase de Proust. Alors, je vais vous demander sur votre téléphone de vous remettre sur la phrase de Proust. Alors, heureusement qu'on ne parle pas beaucoup dans la conversation. Voilà, et puis je vais, pendant que vous faites ça, c'est moi qui vais tirer au sort pour vous sur un personnage. Alors, ce n'est pas que du Disney. Mais, et c'est pas que du dessin animé, il y a aussi, en tout cas c'est dans le monde de l'enfant, j'en dis pas plus. Il y aura Astérix ou pas ? Alors, on sait pas, voilà. Et donc je vais vous demander... Je le ferai à la fin, en bonus, de toute façon. Ok, ah bah cool, très bien. Eh bah écoute, est-ce que tu veux déjà refaire le début de cette phrase avec Astérix pour que les gens se remettent ? C'est la voix de Astérix du dessin animé, d'accord ? Oui, c'est Roger Carrel. Ouais. Alors on est d'accord, hein, pour ceux qui n'étaient pas là il y a 15 jours, c'est une phrase de Proust qui doit être dite avec l'accent, enfin l'imitation plutôt, d'un personnage pour les enfants. Et à nous de deviner, donc là on va deviner puisque on sait déjà que c'est Astérix, donc vas-y on t'écoute pour du Marcel Proust. Swann avait envisagé toutes les possibilités, Obélix. La réalité est donc quelque chose qui n'a aucun rapport avec les possibilités. Pas plus qu'un coup de couteau que nous recevons avec les légers mouvements des nuages au-dessus de notre tête, puisque ces mots, deux ou trois fois, marquèrent à vif une sorte de croix dans son cœur. Je préfère Roger Carrel. Je préfère Roger Carrel. Tiens, je vous laisse tirer un papier. Et hop, je l'ai. Moi, je vais en tirer un aussi. Et il va falloir se mettre peut-être. Alors, vous à connaissez, jour. On est d'accord, vous connaissez. Pas, on connaît pas. Tu connais pas ? Bah, je connais le visuel. Je connais le visuel, mais je ne connais pas. Bon, alors, tiens, il reste un choix. Vas-y, c'est qui ? Tu connaissais pas, toi ? Oh, j'en étais sûr. Bah, en même temps. J'en étais sûr. Non, mais je voulais un personnage féminin. C'était Peggy la cochonne. Écoute, t'as voulu changer ? Bon, mais c'est de pire en pire. Eh ben Jocelyn, on t'écoute. Si tu veux, tu peux faire juste la moitié du texte, hein, si tu sens que c'est un traumatisme deviné, pour toi. Non, c'est pas un traumatisme, c'est juste je n'arrive pas à le faire, je ne sais pas qui c'est. Joanne avait envisagé toutes les possibilités. La réalité est donc quelque chose qui n'a aucun rapport avec les possibilités. Pas plus qu'un coup de couteau que nous recevons avec les légers mouvements des nuages au-dessus de nos têtes. Puis ces mots, deux ou trois fois, marquèrent à vif une sorte de croix dans son cœur. Et je sais pas qui c'est, mais moi je regarde un Disney où il y a cette voix. C'était compliqué. C'était cool. Mais je pense par déduction, je pense savoir qui c'est, donc je vais pas vraiment dire. Est-ce que c'est un méchant ? Non, c'est un personnage amical qui rassure dans un dessin animé. Ouais, qui rassure. Il a une barbe. Hein. Il a une barbe, oui. Ouais, et il est petit. Il est petit, de couleur vive. Un Schtroumpf. Ah, c'est le grand Schtroumpf. Oui, c'est le grand Schtroumpf. Ah, je sais pas du tout quelle voix il a. Bah, j'imagine qu'il avait une voix un peu comme ça. Soit il était envisagé toutes les possibilités. Ah, oui. Tu vois ? Un peu plus comme ça, du coup, ouais. Tu vois ? Voilà, en tout cas, c'est comme ça que dans mes souvenirs, je les ai. Quoi. Alors, oui, effectivement, j'ai pas mis du Dragon Ball Z ou des choses comme ça parce que j'ai pas du tout les refs. Moi, j'aurais imité Squeezie, quoi. Voilà. Bon, moi, je vais vous en faire un. J'espère qu'il est facile. Swann avait envisagé toutes les possibilités. Oh ! La réalité est donc quelque chose qui n'a aucun rapport avec les possibilités, pas plus que d'un coup de couteau que nous recevons dans le léger mouvement des nuages. Vous l'avez ? Oui. Heureusement que j'ai fait... Oh, tu l'as pas ? Oh, oh. Non, si. Swann avait envisagé toutes les... Voilà, non ? Non ? Bah, non. Imagine. Avec des grandes oreilles. Les grandes oreilles. Les années avec 30. Les gants, avec les gants. Ah, c'est... Oh ! Mickey ? Oui ! Ah ouais. Putain, waouh. Est-ce que vous saviez que Walt Disney était franc-maçon et qu'il a créé le personnage de Mickey avec des gants, les gants qui sont distinctifs des francs-maçons. Oh. Et pour une raison que j'ai oubliée. Ah oui, si, c'est parce que, en fait, chez les francs-maçons, la doctrine veut... Enfin, l'idée veut que on nie la classe sociale des gens et donc du coup ils mettent tous des gants blancs pour se serrer la main pour qu'on ne voit pas la différence entre les mains et qui trahirait une éventuelle origine sociale différente. Et ces gants se sont retrouvés dans le personnage de Mickey. Je crois pas. Qu'il y a d'autres choses avec les oreilles, mais je sais plus ce que c'est. Mais voilà. D'accord. C'est impressionnant. Ouais. Eh bien, on t'écoute, James. Alors, c'est un personnage que j'ai vu une fois quand j'ai été voir le film au cinéma, que je n'ai plus jamais revu depuis. Ah, ok, voilà. Alors je vois qui c'est. Voilà. D'accord. Swan avait envisagé toutes les possibilités. La réalité est donc quelque chose qui n'a aucun rapport avec les possibilités. Pas plus qu'un coup de couteau que nous recevons avec les légers mouvements des nuages. Ah ouais, tu le tiens bien. Moi, je trouve que tu le tiens mal, bien. Hein. Et tu le connais, hein, Jocelyn, tu le connais. Ouais, ouais, ouais. Et là, c'est le plus contemporain de tous ceux qu'on a fait. C'est Buzz l'éclair ? Oui ! Ouais. Bravo. Je ne sais pas où est l'applaudissement, mais, je ne sais pas. Dans nos cœurs, bravo ! Voilà. Non, c'est l'orage, mais c'est pas grave, ça marche très bien. Un tonnerre d'applaudissements. Il est sur, sur la droite mais dans justement, le cartoucheur. Ah ouais, j'ai ça. Non, ça c'est une machine. C'est pire en pire. Voilà, ou alors peut-être ça. Non plus. Il n'est pas de la même couleur, applaudissements, mais bref, ok. Je comprends le jingle en retard sur son temps. Non, ça c'était un coup de feu, mais bref, c'est... Bravo, félicitations, bravo, c'est... C'était. Ben, c'est clair. Ah ouais, pas piquer des hannetons. Ouais, alors attends, je cherche un... mais non, mais c'est chiant avec le cartoucheur. La matinale de 18h, l'émission qui est bien. On arrive à la fin de cette émission, on a encore le temps un petit peu, mais je me dis, tiens, pour prendre le temps de clôturer cette... vas-y, tu allais dire quelque chose. Oui, j'ai de la promo à faire. Non, ce ne serait pas du split. Tristan, oui, si. Mais en fait, on aura le temps d'ici la prochaine émission, en fait. Mais c'est pas grave. Je vais le dire quand même, parce que comme ça vous permet de, réserver la soirée. C'est le 10 octobre. Le 10 octobre à la MJC Lillebonne, à 20h30. C'est de l'improvisation théâtrale avec une troupe qui s'appelle le Split Impro. Et on joue les Oscars de l'impro, c'est-à-dire... une remise de prix pour des meilleurs films, des meilleurs acteurs, etc. Mais tout ça en improvisation, c'est une belle soirée. Et on vous invite à venir à la MJC Lillebonne, on s'amuse bien. Comment on l'a fait pour réserver ? Bien, on en parlera d'ici là, tu on diras, va, ou... On va à la MJC Lillebonne, ouais. Ou alors on envoie un mail, je ne sais plus. je ne sais plus, promo. Mais en tout cas, mettez une date dans votre calendrier, venez, ça sera, c'est un vendredi. Okay. Soir, et c'est dans deux semaines. Oh, voilà. Très bien. Moi, je vais faire aussi ma promo, puisque demain, je joue les Tantans à Remiremont. Si des fois, vous êtes à Remiremont, dans la grande salle de Remiremont... Le fief, quoi. Hein. Les Tantans à Remiremont, c'est le prime. Ah ouais. Ouais, là, on est dans notre élément. Donc, c'est demain soir à 20h30. Et puis, on peut en parler, parce que ça sera le 4 octobre. C'est la semaine prochaine, ouais. C'est déjà la semaine prochaine. Un pro duo, un duo que je fais avec Barbara Andreani. C'est totalement de l'improvisation. C'est une pièce de théâtre totalement improvisée. Et on joue à Blainville-sur-Lot. Donc, vous pouvez aller sur la... Le 4 octobre. T'es sûr de ça? Oui. Are you sure about that? Parce que pour moi, le 4 octobre, on joue avec Cécile et ses drôles de dames à plein fin. Voilà, tout à fait. Parce que là, je confonds avec le 11 octobre. et j'ai le mec qui a tellement de spectacles qu'il ne se rappelle même plus. Donc, c'est je parlerai du spectacle du 11 octobre au moment voulu. Mais on va parler du 4 octobre. Et si oui. Vous êtes à plein fin. Donc, c'est vraiment ambiance Vosges, hein, ces temps-ci. N'hésitez pas à aller à la salle Noir-Goutte, une très belle salle, et réserver vos places pour le spectacle de Cécile et ses drôles de dames avec James, notamment. Ça sera un spectacle qui s'appelle Contre-soirée et qui n'est pas piqué des hannetons. Et si vous l'avez vu à La Neuville devant Nancy, c'était un grand succès parce que ça avait plein de monde et puis ça avait très bien marché. Et ben, n'hésitez pas à revenir à plein fin. C'est chaque fois une nouvelle histoire. Hein. C'est de l'impro. Donc ça veut dire que tout change, que ça soit les personnages, les dialogues. Ouais, nos têtes ne changent pas. Par contre, on a comédiens, ouais. Donc, si les nos habits têtes changent. Ouais, les habits, c'est vrai. Moi, il se trouve que j'ai les mêmes chaussettes à chaque fois, mais ça, bon, peu importe. Passons. Mais en tout cas, c'est un bon moment. On passe un bon moment, hein, quand clairement. Même. Oui. Voilà. J'ai entendu que du positif sur ce sujet. Voilà. C'est une belle. Mais moi, ce soir, qu'est-ce qui se passe au bar de Cristal même, voilà. Pas n'importe quoi. En effet, on reçoit un artiste, guitariste, chanteur, multitalent. Il vient chanter et faire de la guitare ce soir au bar du Cristal, 3 rue Chanzy, à côté de la place Maginot. Ouais. On y va, c'est Pierre-Henri qui vient jouer pour vous uniquement ce soir. Et en même temps, c'est la Negroni Week. Venez déguster un cocktail classique revisité par par nos soins. Attends, mais c'est tellement fait avec une voix de. J'ai l'impression d'être obligé d'y aller. Mais t'es obligé d'y aller, parce que c'est ce soir, uniquement ce soir, pas hier, pas demain, mais ce soir à partir de 18h30. Vous venez d'écouter la matinale de 18h, ça a commencé depuis une demi-heure, c'est normal, il s'échauffe. Et là, vous venez vous installer, les doigts de pied en éventail et on. Bois son Negroni. C'est toi qui dois nous faire notre promotion pour l'émission. Qu'on fasse, écoutez notre émission, nous y sommes. Eh ben écoute, il te reste 20 secondes pour clôturer. On arrêtera sur tes propos. Jocelyn, c'est toi qui clôture cette émission. Messieurs, dames, ça fait bientôt 4 ans que vous écoutez la matinale de 18h. Et ça fait bientôt 4 ans que nos voix vous bercent. Et aujourd'hui, ce 25 septembre 2025, nous finissons notre émission. Et nous allons peut-être nous retrouver peut-être dans une salle de spectacle ou dans un bar, mais c'est à dans 2 semaines.